Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner mon point de vue sur comment commencer à investir sans apport. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc, comment commencer à investir dans l'immobilier sans apport? Donc, il y a deux parties en dessous, c'est investir sans apport, mais tu as de l'argent, ou investir sans apport et tu n'as pas d'argent. Donc, dans la première partie, on va voir comment investir dans l'immobilier sans apport si tu n'as pas d'argent. Là, je te dis, attention, warning, c'est super dangereux. J'avais fait une vidéo là-dessus. Moi, je ne conseille pas d'investir dans l'immobilier si tu as vraiment 0 euro de côté. Ou alors, je vais te donner une petite méthode pour le mettre en place rapidement. Ce que tu fais, c'est que tu trouves ton bien, pas de souci, tu te fais financer. Ça veut dire que tu as malgré tout, tu as le CDI, tu as ce qui va bien comme source de revenus. Hein. Tu es éligible de ce côté-là. Et du coup, tu vas essayer d'avoir le différé le plus long possible. C'est-à-dire que tu vas repousser au maximum le moment où tu vas payer plein pot le prêt immobilier, tes mensualités de prêt immobilier. Tu peux monter à 24 mois, à 36 mois, si tu as des travaux et que tu peux avoir un préfinancement, etc. Et du coup, tu vas te constituer pendant cette période-là, tu vas te constituer ce qu'on appelle le matelas de sécurité. Donc, tu vas te constituer cette épargne que tu n'avais pas au début. Là, dans ce cadre-là, oui, tu peux aller investir dans l'immobilier sans apport et, entre guillemets, sans argent, mais tu vas vite te constituer de l'argent. Je te conseille, malgré tout, dans tous les cas, un, soit d'être très, très, très pessimiste si tu n'as pas d'argent sur ta projection quand tu vas faire ta projection de financement. Et deux, de rapidement mettre de l'épargne. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu veux investir dans l'immobilier, mais tu n'es pas capable de mettre 10% de ton salaire de côté, c'est que tu n'as pas encore mis en place le mindset positif, le bon mindset qui va te permettre d'être un investisseur rentable. Première chose à faire, c'est mettre de l'épargne tous les mois de côté alors que tu n'as pas encore investi. Et du coup, en faisant ça, dès que tu quittes cette vidéo, tu fais ça, tu mets ça en place, tu ne l'as pas encore fait. Et tu vas voir que du coup, bah, tu vas avoir un peu d'argent. Tu vas peut-être avoir 2000, 3000, 4000 euros. Tu ne vas pas forcément avoir 100 000 euros, mais tu vas avoir un peu d'argent. Et ça va te permettre du coup d'être un peu plus serein. Et ensuite, tu fais en sorte d'avoir un différé le plus long possible. Et là, tu te constitues un vrai matelas de sécurité. On dit qu'un matelas de sécurité, c'est environ 6 à 12 mois de loyer pour être vraiment serein. La deuxième possibilité pour investir sans apport, c'est tu as de l'argent. Mais tu ne veux pas l'utiliser, et ça je te conseille, de ne pas utiliser l'argent que tu as de côté. Donc tu as de l'argent, tu as constitué un apport, un faux apport en fait. C'est-à-dire que tu vas montrer à la banque que tu es capable de les mettre, mais tu ne vas pas les mettre. Et là, la banque, elle va te prêter sans apport, sans aucun problème. L'argent est roi. Donc c'est quelque chose qui sort énormément en investissement, en entrepreneuriat. C'est l'argent au centre de la relation. Et par rapport à ça, quand tu veux quelque chose avec la banque, tu vas lui montrer que tu as l'argent, mais tu ne le mets pas. Donc j'ai 100 000 euros de côté, j'achète un bien à 100 000 euros. Regardez, monsieur le banquier, je pourrais l'acheter cash. Vous comprenez qu'avec les taux immobiliers actuels, ceci, cela, la fiscalité, je ne vais pas l'acheter cash. Mais par contre, je vais carrément l'acheter sans apport du tout. Et là, la banque, elle va le suivre parce qu'elle sait qu'il y a un potentiel de 100 000 euros. Alors peut-être que tu vas devoir prendre une assurance vie, ceci, cela. Dans tous les cas, ce que te propose le banquier, c'est jamais quelque chose où tu es lié à vie avec lui. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est que tu vas faire ça, opération 1. Monsieur le banquier, j'ai 100 000 euros, mais je vais investir sans apport. Bim, ça va tomber. Next, 3 mois plus tard, opération 2. Monsieur le banquier, j'ai 120 000 euros, parce qu'en plus, j'ai fait de l'argent, etc. J'ai continué à épargner. Je veux investir sans apport. Et là, bizarrement, il va encore te financer sans apport. C'est vraiment l'argent. Ta capacité d'épargne, ce que tu as épargné, donc ton apport virtuel, c'est-à-dire que ce que tu vas laisser croire que tu vas sous-entendre que tu vas pouvoir apporter mais que tu vas jamais apporter, c'est ça qui va te permettre d'investir sans apport de la manière la plus confortable, c'est-à-dire avec les meilleures conditions du prêt bancaire. Donc voilà, on a vu rapidement qu'on pouvait bien évidemment commencer à investir sans apport. C'est plus facile si tu as vraiment si tu as cet apport mais que tu ne l'amènes jamais, que tu peux montrer à la banque que tu pourrais l'avoir, mais que tu ne le mets pas. C'est vraiment la voie royale. Si tu ne l'as pas, je te encourage dès maintenant à mettre en place les routines pour pouvoir, les automatisations pour pouvoir avoir le plus rapidement possible un apport à montrer à la banque. Donc voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, bah mets-moi un gros like. Pour te remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout, je te propose une formation gratuite sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Bah, partage cette vidéo, partage la chaîne Esprit Gagnant à tes amis. Si tu as des amis qui sont investisseurs, qui veulent devenir des vrais investisseurs rentables, bah, mon objectif est simple, c'est de te donner le maximum d'informations pour que tu deviennes un investisseur rentable et que tu passes à la vitesse supérieure et que tu fasses juste ce que tu as envie de faire dans la vie. Donc en tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je te dis juste, passe à l'action, mets en place les automatisations qu'il faut si tu ne l'as pas encore fait, fais des visites, fais des propositions, kiffe. À très bientôt, ciao ciao!